La cérémonie d'ouverture du 53e tour des compétitions sportives nationales des écoles sportives juniors a eu lieu le 20 de Kourou à l'arrondissement de Kowon, province du Hamgyong du Sud. Y ont pris part les officiels intéressés, les joueurs, les jeunes et enfants de l'arrondissement. Une dizaine de disciplines comme football, basketball, volleyball, tennis de table, tennis et judo auront lieu à Pyongyang, à Pyeongsong, à Saryeon, à Wonsan, à Hamun, à Nampo, et à Kowon.